La récente polémique autour de l'existence du fémur de Toumaï, fémur qui pourrait remettre en cause sa bipédie et donc conduire à réécrire une nouvelle fois l'histoire de nos origines. Cette polémique met en lumière la fragilité de ce récit originel lorsqu'il est extrapolé depuis l'existence d'un très faible nombre de pièces fossiles. Ce que cette affaire Toumaï nous dit aujourd'hui, c'est aussi ce que nous dit, mais d'une façon évidemment tout autre, les ossements de Jebel Erhoud, la mandibule israélienne ou les pierres taillées d'Atiram Pakam. En Inde, une seule découverte ou une contre-expertise peuvent tout remettre en cause, alors réussira-t-on un jour à fixer une fois pour toutes les débuts de l'humanité ? Paléoanthropologie, une science passée fossile, c'est le problème que nous allons tenter d'élucider dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et réfléchir à la façon dont la paléoanthropologie construit pièce par pièce, réfutation par réfutation, ce récit originel, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Debaune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorienne, enseignante à l'Université de Lyon et chercheuse au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité à Nanterre. Bonjour Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire internationale de paléoanthropologie. Vous pouvez nous suivre, eh bien, comme chaque jour, en direct sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, comme je viens de le dire, il n'est évidemment pas question du tout de commenter ou de revenir sur cette affaire Toumaï et la nature ou la dissimulation de ce fameux fémur. Néanmoins, c'est tout de même cette découverte de Toumaï en 2001 et sa qualification bipède qui remet en cause l'East Side Story d'Yves Coppens, ce qui était le récit dominant depuis une vingtaine d'années au moins. Alors, est-il raisonnable, ce sera ma question initiale pour lancer ce débat et cette émission, est-il raisonnable, quand on a aussi peu de pièces, aussi peu d'éléments fossiles, de construire un tel storytelling, un récit sur les origines de notre humanité, sur des sources qui sont aussi peu nombreuses? Jean-Jacques Hublin, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je pense qu'il est contestable de dire qu'on a si peu de matériel, si peu de pièces. En réalité, on a certains points dans le temps et dans l'espace pour lesquels on a beaucoup d'informations. Certains groupes d'Australopithèques ou les Néandertaliens sont connus par des centaines de fossiles. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que c'est un récit qui est, du moins, cette documentation, elle est lacunaire. Donc, il y a des régions, des périodes pour lesquelles, dans le fond, on ne sait rien. Et ça, c'est lié à la fois à la conservation du matériel, puis aussi aux stratégies de recherche des chercheurs eux-mêmes. Et donc, voilà, le problème, c'est plutôt de construire des pointillés entre les points que l'on connaît, et puis avec, effectivement, le risque, entre guillemets, qu'un jour, on trouve quelque chose dans le pointillé qui ne soit pas exactement sur le pointillé. L'histoire de la paléontologie et de la paléoanthropologie, ça n'est qu'une histoire de réfutation, de contre-expertise et de pointillés qui dépasse de cette ligne de pointillés. Finalement, Sophie de Bonnel n'a cessé de se construire comme ça. Tout à fait. Et finalement, la grosse différence par rapport à ce qu'on savait au milieu du XXe siècle, c'est que ce n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire buissonnante qui est de plus en plus complexe à chaque fois qu'on fait de nouvelles découvertes. Mais ceci dit, je n'ai pas l'impression, enfin Jean-Jacques me confirmera ce que je dis, mais j'ai pas l'impression que ça modifie totalement les schémas qu'on a. Souvent, les nouvelles découvertes vont faire reculer une datation ou vont bouger un peu les lignes, mais on va pas totalement remettre en cause toute l'histoire de l'humanité et de ses prédécesseurs. On peut tout de même convenir du fait que sur tout ce qui remonte à plus de 5 millions d'années, on a très peu d'éléments d'information, on a très peu de fossiles. On a trois fossiles, Toumaï, Ororin et Kadaba, qui sont au-delà des 5 millions d'années. Donc là-dessus, finalement, on est tenu à tous collectivement, et vous, en tant que paléoanthropologue, à un devoir de réserve peut-être sur ce récit originel, Jean-Jacques Hublin ? Ah oui, c'est vrai que plus on remonte dans le temps, moins on a de matériel, et que pour ces périodes très très reculées de l'histoire des hominines, cette lignée qui est constituée par nos ancêtres directs et nos parents les plus proches depuis la séparation avec la lignée des chimpanzés, là, pour cette partie-là, effectivement, on a très très peu d'informations. Et on peut facilement imaginer qu'il a existé beaucoup plus de formes, tout autant que dans les périodes plus récentes, et que ces formes-là, elles sont encore à découvrir. Pour rejoindre un peu ce que disait Sophie, je crois que il y a dans le public cette idée que chaque découverte remet complètement en cause les connaissances, oblige à réécrire l'histoire de l'humanité, ou sa préhistoire plutôt. Mmh. En fait, il faut plutôt voir ça comme un puzzle dont il nous manque des pièces. Alors on voit bien le puzzle, ce qu'il représente, en gros, l'image. Et chaque fois qu'on trouve une pièce supplémentaire et qu'on peut l'ajouter au puzzle, l'image se précise. Et l'arbre des hominines, c'est pareil. On a commencé avec une ligne droite, une tige, et puis on a rajouté des branches, et puis on en rajoute de plus en plus. Et puis on corrige aussi la position de ces branches, leur longueur, le point où elles s'insèrent sur le tronc. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. En même temps, ce récit originel et la raison pour laquelle il est investi à ce point-là, Sophie de Beaune, c'est que, comme je le disais à l'instant, c'est aussi un récit mythologique. On a longtemps, et finalement, il est aussi très récent, ce récit. Il a 150 ans, à tout casser. Tout à fait. Alors, je sais pas s'il est mythologique, mais en tout cas, il est lié à... comment dirais-je, à la mentalité du temps aussi. On voit très bien comment l'histoire de l'humanité a évolué, alors en fonction des connaissances, bien entendu, mais aussi en fonction de l'interprétation qu'on veut bien en faire. Il y a des histoires très amusantes, d'ailleurs, dans l'histoire de la paléoanthropologie. L'histoire de l'origine de l'homme, qu'on pensait européen au tournant du 19e et du 20e siècle. On avait trouvé des anciens hommes modernes datés de 30, 40 000 ans, qu'on ne datait pas d'ailleurs à l'époque aussi précisément, évidemment. Et on croyait... certains croyaient absolument qu'il y avait eu, en Dordogne, dans le sud de la France, les ancêtres des Noirs, les ancêtres des Asiatiques et les ancêtres des Européens. En gros, le sud de la France était le berceau de l'humanité. C'est assez rigolo quand on pense à ça aujourd'hui. Et on va voir qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses et que ces hypothèses, effectivement, sont très marquées dans le temps. Elles sont aussi, dans une certaine mesure, mais on y reviendra, des hypothèses un peu politiques. Mais moi, j'aimerais vous poser une question, Jean-Jacques Hublin, quand vous avez la certitude de la datation des ossements de Djebel Irhoud, qui donc, je le rappelle, changent la zone géographique et font remonter à 100 000 ans plus tôt l'évolution d'Homo sapiens sur le continent africain, puisque les derniers fossiles sont 100 000 ans plus tard, donc en Éthiopie. Il y a quand même si on ne réécrit pas tout le récit originel, il y a quand même quelque chose d'assez vertigineux dans cette prise de conscience qu'on est en train de faire bouger, qu'on a trouvé en tout cas une pièce centrale du puzzle qui va nous permettre de mieux comprendre ce dessin-là. Oui, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut dire aussi ça confirme l'origine africaine de notre espèce. Alors maintenant, ça la confirme, mais ça montre que c'est une histoire plus ancienne que ce qu'on croyait. Mais je voudrais revenir sur cette notion de double fonction de la paléanthropologie. La paléanthropologie, elle est apparue à la fin du 19e siècle en Europe occidentale. Et c'est vrai que assez rapidement, elle s'est substituée à un récit des origines. Et toutes les sociétés humaines ont un récit des origines. Et donc le nôtre, c'est un récit scientifique. Et c'est tout à fait exact. Il y a un domaine scientifique qu'on appelle la paléanthropologie, mais sitôt qu'on s'adresse au public, aux médias, eh bien, très vite, on se rend compte qu'il y a un aspect aussi fantasmatique, mythologique. Et comme Sophie l'a souligné, ces sentiments, ces émotions qu'on a à propos du récit des origines, eh bien, sont très imprégnés par l'idéologie du moment. Il y a eu des époques où les gens étaient plutôt centrés sur l'Europe, plutôt racistes. Plutôt... Mais on va voir que ça a beaucoup d'importance pour Néandertal, par voilà. exemple. Alors maintenant, on est plutôt écolo, féministe, végan. Et on aimerait bien que ça soit le cas pour les hommes qui vivaient il y a 500 000 ans. C'est aussi contestable dans le premier cas que dans le deuxième. Alors on voit assez facilement le ridicule des hypothèses passées, je suis sûr que nos successeurs souriront de nos affirmations d'aujourd'hui. Vous pensez, Sophie de Beaune, que dans 50 ans ou dans 100 ans, on regardera ce récit des origines tel que nous on l'observe aujourd'hui, avec le même regard critique et la même distance c'est qu'on peut regarder les origines de Néandertal? On aura des moyens d'analyse beaucoup plus poussés qu'aujourd'hui, et donc on saura certainement beaucoup plus de choses. Mais pour revenir à Jebel Irhoud, moi, je ne suis pas paléanthropologue, je suis préhistorienne, mais je suis évidemment de très près, étant enseignante à l'université, je suis tout ce qui se fait, et ça ne m'a pas tellement étonnée en fait, parce que finalement il y avait déjà des homo sapiens archaïques ailleurs, qu'on situait mal, on ne savait pas très bien où les mettre, et finalement ils trouvent leur place. On en a entre 250 et 300 000 ans en Afrique du Sud, et finalement on peut se dire que soit effectivement les hommes modernes sont nés quelque part en Afrique du Nord, soit ils sont encore plus anciens. Et à cette époque-là, ils s'étaient déjà dispersés sur l'ensemble du continent. C'est possible aussi. Donc là, c'est finalement passionnant, parce que l'avenir va nous permettre d'affiner cette hypothèse et de voir si l'une des deux est correcte, etc. Et on voit bien, j'ai l'impression, et je parle sous votre contrôle, corrigez-moi si je me trompe, qu'effectivement, aujourd'hui, dans la narration de ce récit originel, on est tout de suite... immédiatement plus mesuré, on est dans le soi ou soi. On n'essaye plus d'écrire une image, une histoire à marche forcée en quelque sorte. C'est-à-dire que les... Vous savez, il y a une citation de Tocqueville que je connais pas par cœur comme ça, mais qui dit en gros toute idée simple mais fausse aura toujours plus de succès dans le monde qu'une idée exacte mais compliquée. Et donc on aime la simplicité, on aime les choses en noir et blanc. Les Néandertaliens sont comme nous ou ils sont pas du tout comme nous, mais l'idée qu'ils soient un peu comme nous mais pas complètement comme nous, ça c'est quelque chose qui est plus difficile à digérer. Voilà, par exemple, la sortie des hommes modernes, enfin, les ancêtres des hommes actuels d'Afrique, c'est quelque chose qu'on a vu comme une sorte de vague qui se répandait hors d'Afrique à un temps bien déterminé. On s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on avait au moins une sortie ancienne, plus ou moins avortée, il y a 125 000 ans. Et puis maintenant, au fil des découvertes, on se rend compte que c'est une histoire plus compliquée. Donc, c'est pas une remise en cause de la sortie d'Afrique. C'est plutôt, on ajoute des éléments, on ajoute des dates, on ajoute des fossiles. Et évidemment, la classification des hommes du passé, par exemple, hein, d'un point de vue biologique, bah, elle était beaucoup plus simple quand il y en avait très peu, avec énormément de lacunes, de vides. Vous savez, quand on connaissait le pithécanthrope de Java, l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon, la classification était très simple. on va y revenir. Et voilà, aujourd'hui, eh bien, on remplit tous ces vides, on se rend compte que c'est une histoire compliquée. Et d'ailleurs, ça pose un peu des problèmes pour mettre les objets et les êtres dans des tiroirs. The fossils, we're talking of fossils. I'm not a fossil, and neither are you. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons du récit de nos origines, de la complexité de ce récit et de la complexité d'établir ce récit. Nous en parlons avec Sophie de Beaune et Jean-Jacques Hublin. J'aimerais bien effectivement qu'on revienne un peu sur la façon dont ce récit s'est construit depuis la découverte des premiers ossements au milieu, dans la première partie du 19e siècle, et la façon dont il a fallu comprendre ce qu'étaient ces ossements et comment on pouvait les lier à notre modernité. Peut-être un mot à ce propos, Sophie de Beaune, parce que quand les premiers ossements sont découverts, Darwin n'est pas encore là, on pense, peu ou prou, le récit originel, c'est un récit religieux, c'est-à-dire que l'homme a été homme de tout temps et la femme, femme de tout temps, grosso modo. Moi, je dirais que, schématiquement, cette histoire ça peut se raconter en deux grandes étapes. La première étape, c'est qu'il a fallu comprendre que l'homme était beaucoup plus ancien, avait une origine beaucoup plus ancienne que ce qu'on croyait. Et ça, en fait, on en a eu des preuves géologiques dès les années 1830, avec les fouilles de Boucher de Perthes, qui a trouvé, dans des niveaux géologiques anciens, des outils faits par l'homme, faits de main de l'homme, comme on disait, associés à des animaux, des espèces d'animaux disparus. Et puis la deuxième étape, qui vient beaucoup plus tard, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est une fois à peu près admis l'ancienneté de l'homme, c'est d'admettre qu'il n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a évolué physiquement et qu'il n'a pas toujours été tel qu'on le connaît, hein, comme un homo sapiens actuel. Et là, ça a posé d'énormes problèmes jusqu'au début du XXe siècle. Il y a des gens qui refusaient d'admettre que l'homme ait pu avoir, par exemple, un cerveau plus petit que ce qu'il a aujourd'hui. Mmh. On connaît l'histoire de l'homme de Piltdown, qui était un faux, mais un faux qui n'a été révélé que dans les années 50. Oui. Très, très tardivement. Il a été établi. Et c'était en fait une mâchoire de jeune orang-outan qui avait à peu près 500 ans, avec un crâne d'homme moderne. Le tout avait été maquillé, et ça a été trouvé dans les années 1912-1913. Mais en fait, cette découverte avait été faite, ce faux avait été créé, fabriqué, pour pouvoir prouver que l'homme avait toujours eu la capacité cérébrale qu'il avait aujourd'hui. On voulait bien admettre qu'il avait eu une mâchoire un peu simiesque, mais certainement pas un cerveau plus petit qu'il n'avait aujourd'hui. C'est intéressant, avant d'en arriver peut-être à cet homme de Piltdown et à cette escroquerie, ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement petit à petit, Charles Darwin va arriver, que petit à petit on va commencer à penser très doucement, très lentement à cet homme antédiluvien et finalement, les débuts de la paléoanthropologie, Jean-Jacques Hublin, c'est la quête qui va rester pendant longtemps, la quête du chaînon manquant. C'est-à-dire que finalement, on simplifie tout, on fait, comme vous le dites, une seule branche. Il y a le singe, il y a nous, puis entre les deux, il y a un chaînon manquant. Oui, alors, c'est une quête un peu ambiguë. Hein. C'est-à-dire que, dans le fond, les chercheurs qui croient dans l'évolution et qui cherchent des preuves de l'évolution... En même temps, ils ont un espèce de comportement un peu schizophrénique souvent, c'est-à-dire que très souvent, les fossiles, une fois découverts, on s'empresse de les de les rejeter, si je peux dire, justement parce que ils ne correspondent pas toujours à l'image qu'on voudrait avoir d'un homme véritable dans le passé. Le succès de Piltdown, c'est un faux qui répond à l'attente. Et donc, cette espèce de quête un peu d'un moment adamique dans le passé, c'est quelque chose qui n'a jamais cessé en réalité. Hein. Par exemple, le débat actuel sur ce qu'on appelle les hommes modernes, quand est-ce qu'ils sont apparus, qu'est-ce qu'il faut appeler un homme moderne, bien dans le fond, on tourne toujours autour un peu de cette idée-là, c'est-à-dire que dans le passé, il y a un moment, un point, à partir duquel on a des hommes véritables. On sort de l'animalité. Il y a un fossé, avant c'est des espèces d'êtres primitifs assez loin de nous. Et puis, dès que les hommes, entre guillemets, modernes apparaissent, eh bien, ils ont absolument toutes nos capacités, nos comportements, notre anatomie, notre biologie. En fait, on a toutes les bonnes raisons de penser que c'est une vision fausse des choses. Et d'ailleurs, ce point, ce que moi j'appelle un point comme ça, adamique, hein, on l'a déplacé hein, dans le temps. Par exemple, il y a eu quelque chose qui s'est joué autour de la découverte dans les années 80 d'un fossile en Afrique de l'Est qui était ce qu'on appelle l'adolescent de Nariokotome, qui était un squelette complet de jeune Homo erectus. Quand on relit les descriptions aux premières de ce fossile, on voit bien que les auteurs accentuent au maximum tous les traits qui le rapprochent des hommes actuels et les opposent à ce qu'on connaît chez les australopithèques. On voit bien aujourd'hui que l'enfant de Nariokotome, c'est pas juste un homme moderne avec un petit cerveau. Il a un mode de croissance différent du nôtre, il a des caractères anatomiques qui sont différents. Sur le plan cognitif, c'est difficile de dire des choses définitives, mais ça m'étonnerait qu'il ait vraiment pensé comme vous et moi. Donc voilà, il y a quand même cet attachement qui est un attachement millénaire au fossé qui sépare l'homme du reste de la nature. Et ça hante un petit peu la discipline. Sophie de Beaune, c'est évidemment, ça veut dire que, et c'est pour ça on revient à ce que nous disions tout à l'heure, raconter les origines, ça ne peut jamais, à aucun moment, être un récit neutre, surtout quand il doit se substituer à un récit fondateur religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, en Occident ou en Orient. Raconter les origines, c'est toujours à un moment donné être tributaire d'anthropocentrisme moderne, si on peut résumer ça à grands traits, et que c'est de toute façon... jusqu'à peut-être aujourd'hui, et on voit qu'aujourd'hui c'est encore compliqué, objectiver complètement ce récit. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai d'ailleurs de l'évolution de l'homme, mais c'est vrai aussi de ses outils, de sa culture, ce qu'on appelle en archéologie sa culture, c'est-à-dire toutes ces productions matérielles qui sont parvenues jusqu'à nous. Et toute l'interprétation est très souvent très, très auto-centrée sur notre propre culture ou sur notre époque. Et ça se ressent même dans le vocabulaire. Je pense par exemple à ce qu'on appelle une industrie, donc un outillage en pierre taillée qu'on a découvert sur les terrasses de Saint-Acheul le 19e siècle, sur les terrasses de la Somme, dans le site de Saint-Acheul, qu'on a appelé l'Acheuléen, après beaucoup de discussions, parce qu'il y en a qui voulaient l'appeler autrement, l'Abvilien, enfin bref, ça a fini. On a fini par appeler cet outillage l'Acheuléen, et qui est en particulier célèbre à cause des fameux bifaces. Hein, donc. Et dans les années 1960, c'est-à-dire très longtemps après, on a découvert en Afrique une industrie à bifaces qui ressemblait beaucoup. Et du coup, comment l'a-t-on appelé ? L'Acheuléen africain. Ce qui est quand même assez drôle, mais il faut penser qu'on était à une période coloniale, etc. Et donc, au lieu d'inventer un nouveau mot pour quelque chose qui était quand même à des milliers de kilomètres de l'Acheuléen français, bien non, on a transposé ce nom. Alors, c'est peut-être une simplicité, techniquement, c'est plus facile, méthodologiquement, mais quand on y pense, c'est quand même assez curieux, quoi, d'avoir donné le même nom pour une culture africaine. De la même façon que vous signifiez tout à l'heure qu'on pensait au départ que le berceau de l'humanité était en Dordogne. Toute l'histoire de la discipline est complètement imprégnée, imbibée de la mentalité des chercheurs, qu'ils le veuillent ou non. C'est totalement inconscient. Et nous en sommes probablement, même très certainement aussi, victimes. Oui. On voit bien comment la position qu'on a aujourd'hui par rapport à Néandertal, c'est-à-dire qu'il est presque politiquement incorrect de dire que Néandertal n'avait pas les mêmes capacités cognitives que nous. Enfin, on s'est très mal vu, hein. C'est du racisme. Alors justement, parlons-en de Néandertal, parce que Néandertal, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un cas d'école. Disons que, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Jacques Hublin, à un moment donné, on arrive à cette espèce d'arbre, au début du XXe siècle, d'arbre un peu simpliste, en disant, bon ben voilà, il y a Pithecanthrope, qui est découvert en Asie, à Java, il y a Néandertal, et puis il y a nous, il y a Cro-Magnon, c'est un peu les trois grandes étapes, et à cette époque, au début de la découverte de Néandertal, qui est, il faut le rappeler, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, Néandertal, c'est vraiment notre cousin arriéré lointain auquel... C'est 1856, je crois, hein, c'est ça, la découverte dans la vallée de Néander, donc... À côté de Düsseldorf, en Allemagne. Voilà, oui, exactement, et donc c'est une découverte qui, au début, a fait beaucoup de bruit, qui a énormément choqué. Et les gens pensaient que c'était pas du tout une espèce humaine différente. Hein. On a pensé que c'était un soldat des guerres napoléoniennes qui s'était égaré. D'autres ont dit que c'était un autre. Il avait un crâne un peu bas, il avait souffert de rachitisme. Enfin, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Jusqu'à ce qu'on en découvre d'autres dans les années suivantes, en Belgique notamment, plusieurs sites en Belgique, et qu'on en redécouvre qui avait été découvert anciennement, début du 19e siècle, qui n'avait pas du tout été considéré comme étant des Néandertaliens. Mais pour rebondir sur cette question sur l'homme de Néandertal, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'est développée une forme de militantisme. De réhabilitation de Néandertal. Je dis bien de militantisme pro-Néandertal, comme il y a des gens qui se battent pour la cause des femmes, des minorités de toutes sortes, etc. Et donc, c'est très difficile de débattre avec ces gens-là, hein, parce qu'ils ont quand même une forme d'absolutisme qui est assez difficile à affronter. C'est quoi l'absolutisme ? C'est quoi C'est-à-dire que le problème de l'homme de Néandertal, c'est que, en gros, les hominines, disons, du dernier demi-million d'années, pas seulement les hommes de Néandertal, nos ancêtres, les autres, sont tous engagés un peu dans des évolutions parallèles avec des cerveaux de plus en plus grands, de plus en plus complexes et des comportements de plus en plus complexes. Cela étant dit, c'est vrai que il y a des différences qui s'observent et puis au final, il y a un des groupes qui est le nôtre. C'est un peu la casserole dont le lait a débordé sur la gazinière qui, si je peux dire, a pris un peu les autres de vitesse dans cette évolution. et s'est répandue partout, dans le fond, à remplacer ou absorber tous les autres groupes. C'est une histoire qu'on ne comprend pas encore, la voilà. Victoire totale de Sapiens sur, voilà. Les, sur, alors sur on ses a, concurrents. On a du pas mal, dans le fond, ce qui est très difficile pour nous, c'est de concevoir un homme qui soit différent de nous, un peu comme un alien serait différent de nous, avec des capacités, une complexité cognitive, mais pas exactement les mêmes adaptations, les mêmes caractères biologiques ou comportementaux que les nôtres. Et donc, voilà, le militantisme, c'est de dire non, les Néandertaliens sont des hommes modernes comme les autres. Et donc, le débat s'articule souvent sur des arguments qui sont des arguments un peu en noir et blanc, c'est-à-dire c'est la présence ou l'absence de telle ou telle chose. On va avoir par exemple la présence de pigments, par exemple, on va dire voilà, on a trouvé des pigments dans des sites néandertaliens, et donc ça veut dire que ces gens-là utilisent des pigments exactement comme les hommes modernes. Alors, faire un trait sur une paroi rocheuse ou sur son corps, c'est pas pareil que de dessiner un bison. Et donc, voilà, le problème, c'est ça. C'est que dans ce débat qui est assez, je dirais, émotionnel et qui est guidé aussi par des enjeux un peu idéologiques, voilà, voire politiques... C'est ça qui est intéressant. Donc là, il n'y a pas de place pour la nuance. Hein, c'est-à-dire, ouais. c'est tout blanc ou tout noir. Ouais. Et les plus, j'allais dire, les militants les plus déterminés, eux veulent absolument montrer qu'il y a absolument une égalité complète entre toutes les formes anciennes. Et d'ailleurs, je pense que, d'une certaine façon, il y a une forme de négation de la différence biologique, parce que ça passe pour une forme de paléoracisme, en quelque sorte. Hein. Et puis, sur le plan comportemental, ce qui est vrai, c'est que, évidemment, quand on compare des formes très anciennes de toutes ces lignées, les comportements sont très similaires. Et puis, plus on s'approche du présent, et surtout plus on s'approche du moment du remplacement d'un groupe par l'autre, plus on voit des différences se développer. Sophie de Beaune, vous êtes d'accord? Finalement, ce qu'on entend, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que cette histoire, même dans l'histoire la plus proche de nous, c'est-à-dire que Néandertal, on est autour dans le dernier demi-million d'années, ce qui est très proche à l'échelle géologique, évidemment, et à l'échelle de l'histoire de l'humanité, puisque Toumaï, c'est 7 millions, rappelons-le, que cette histoire-là, elle est très politique aujourd'hui encore, qu'elle est absolument investie. Alors, du point de vue biologique, il me semble quand même que les spécialistes du Néandertal ne nient pas les différences, quand même, je pense. Non, c'est plutôt mais du côté plutôt des archéologues. De vue, voilà. Mmh. Et après, du point de vue cognitif, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce qu'on voit qu'à la toute fin de la période des Néandertaliens, à partir de 100 000 ans, ils enterrent leurs morts. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé cognitivement. Alors, c'est vrai que la question de la production artistique est quand même débattue, mais pour l'instant, la seule chose qu'on ait qui soit très vraisemblablement néandertalien, c'est 13 dans la grotte de Gorham, 13 traits qui forment une espèce de un vague dessin géométrique et encore, une sorte de croisillon. Bruniquel aussi, non? Oui, Bruniquel, c'est Néandertal. Alors, mais Bruniquel, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire on ne peut que pas donc, dire que ce soit rituel ou quoi que ce soit, on ne sait pas ce que c'est. Oui, dans ce débat, il y a une. Encore une fois, il y a une forme de surinterprétation. Des données qu'on a suivant qu'on pense blanc parce ou noir. Oui, parce que je voulais finir en disant que c'est pas forcément artistique. Voilà. Je veux dire, on a décrété que c'était... parce que c'est gratuit, ça ne semble pas avoir une fonction utilitaire quelconque, alors ce serait culturel, cultuel, rituel, artistique, etc. etc. Et puis surtout, la difficulté de débattre de tout ce qui est cognitif, c'est que malheureusement, la cognition, ça ne se résume pas à volume de boîte crânienne. Fabriquer un certain type d'outil ou faire des traits sur une paroi rocheuse ou de ramasser des coquillages. Et donc, il y a des dimensions sociales, des dimensions même affectives dans la cognition. Qui ça, malheureusement, pour l'instant, échappe en grande partie à l'archéologie. Oui, mais il y a des choses qu'on peut déduire de l'outillage. Par oui, exemple, oui, oui, mais on peut déduire des choses. On sait que pour faire un biphase, bah, il faut d'abord il faut anticiper, il faut planifier son action, il faut aller chercher sa matière première, la choisir, choisir le type de percuteur dur en pierre ou doux oui. en bois que l'on va utiliser, etc. Et donc il y a énormément d'étapes cognitives qui sont un préambule absolument indispensable à la fabrication. Cela suppose aussi, puisque c'est compliqué de faire un biphase, hein, on peut pas comme ça s'y mettre sans avoir appris. Cela suppose que c'est une technique qui s'est transmise de génération en génération. Cela suppose donc qu'il y a eu de l'apprentissage, des jeunes qui ont observé ou qui ont appris, soit par imitation, soit parce qu'on leur en a guidé leurs mains. Donc tout ça sont des choses qu'on peut subodorer et on peut supposer qu'ils avaient une société déjà évoluée, avec aussi des parties de chasse élaborées à plusieurs, des circuits nomadiques, etc. Là, on parle toujours de l'Néandertal. Je ne dis pas, oui, oui, Néandertal. Alors, je ne dis pas qu'ils sont pareils que les hommes modernes, mais je dis qu'ils avaient déjà un certain niveau social, très certainement, mais élaboré. Je crois que personne ne le conteste. Ce qui est un petit peu problématique, c'est d'une part de confondre, dans le fond, la notion de complexité et la notion de modernité. Moi, quand je dis moderne, je parle de façon cladistique. Je parle du groupe des hommes modernes. Ah oui, bien sûr. D'accord. De ce côté, oui. Et beaucoup de gens, quand ils entendent le mot moderne, eux, ils veulent dire compliqué. Ah, et donc, personne ne conteste le fait que les Néandertaliens aient des comportements complexes. Mais maintenant, la question, c'est de savoir si leurs comportements complexes sont identiques à ceux des hommes moderne. Ça, c'est le premier problème. Et puis ensuite, encore une fois, dans la cognition, il y a des aspects très divers. Il y a le monde matériel, il y a une intelligence qui est l'intelligence naturelle, enfin, du monde naturel, la reconnaissance des animaux, des plantes. Il y a une intelligence sociale, il y a une intelligence... Et toutes ces formes d'intelligence, dans le fond, elles existent chez les formes humaines du passé. Mais dans le fond, ce à quoi on a le plus facilement accès, c'est la culture matérielle et c'est les comportements de prédation. Ça, c'est des choses qu'on peut assez facilement appréhender. Alors maintenant, le débat, c'est à partir de ça, est-ce qu'on peut extrapoler vers d'autres fonctions cognitives. Et là, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Alors, il y a en particulier un sujet qui est très débattu et qui n'est pas tranché, en fait, c'est Néandertal parlait-il ? Est-ce qu'il disposait du langage articulé ? Et là, il me semble que la question n'est pas réglée, qu'il y a encore des gens qui considèrent que non, que ce n'est pas prouvé, disons. Oui. Alors qu'en fait, on sait que du point de vue anatomique, il avait tout ce qu'il fallait, du point de vue cérébral aussi. Après, c'est difficile, ça ne se fossilise pas, la parole ne se fossilise pas. Donc c'est difficile, donc on essaye à partir des vestiges qu'il a laissés, on essaye de comprendre est-ce que telle ou telle activité nécessitait l'usage de la parole. Alors, il y a deux activités qui éventuellement pourraient témoigner de l'usage de la parole. C'est d'une part, justement, l'inhumation des morts. Puisque si on inhume quelqu'un, ça veut dire qu'on a des valeurs partagées, et un langage commun, une vision sur ce qui n'est plus là, sur l'au-delà, ou sur quelque chose qui n'est pas ici, qui n'est pas présent à ce moment-là. Et la navigation. Puisque si on part au-delà des mers, si on part en mer, en haute mer, après ils tout... Ils n'ont guère fait les hommes de Néandertal. Oui, alors c'était l'hypothèse de Jean-Marie Humbert qui est assez intéressante, même si ce n'est qu'une hypothèse. Mais... Et il disait que pour pouvoir prendre la mer et aller au-delà de l'horizon, de la ligne d'horizon, il faut pouvoir échanger sur ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Or, il avait dit, lui, il utilisait cet argument pour dire « il n'y a que l'homme moderne ». Oui. Qui a navigué en haute mer. Et en réalité, il est vraisemblable que ce n'est pas le cas, parce qu'on a retrouvé un site d'occupation sur la rive sud de la Crète. Or, la Crète n'était pas rattachée au continent, c'est un site daté de 130 000 ans. Donc, un site qui aurait été occupé par les Néandertaliens, qui serait arrivé un en bateau. Insulaire. Site insulaire. Moi, je suis un peu sceptique Blin. Oui, sur je la vois, Crète. Je vous vois un peu... Je vous vois un peu... Les Néandertaliens, apparemment, ne sont même pas allés en Sicile. Hein, donc, la Crète, c'est loin. Hein. Ce qui est un peu, j'allais dire, irritant, c'est dans le fond, dans ces débats sur les capacités cognitives, la complexité, etc., c'est que très souvent, donc les militants qui prônent l'égalité néandertalienne homme moderne ont tendance, pour critiquer les positions des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, et, ont tendance à les caricaturer. C'est-à-dire que dans le fond, en anglais, on appelle ça la construction d'un homme de paille, hein, qu'on brûle après, c'est Strawman. C'est-à-dire, dans le fond, l'idée qu'il y a des gens qui pensent que les Néandertaliens sont des espèces de chimpanzés échappés d'un zoo ou quelque chose comme ça. En fait, je pense, personne ne pense ça aujourd'hui. Hein. Et voilà, c'est assez facile de dire... Alors, le langage, c'est un sujet, enfin, c'est une thématique qui est tout à fait intéressante, parce que en réalité, bon, moi, personnellement, je suis persuadé que les Néandertaliens avaient un langage articulé. La question, c'est pas seulement de savoir... si on a un langage ou pas, c'est qu'est-ce qu'on dit avec ce langage. Et donc, les linguistes eux-mêmes conçoivent très très bien que, précédant les langages modernes tels qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien, il y a eu des proto-langages, des langages pour, avec des syntaxes plus simples, des langages pour parler surtout à propos de ici et maintenant, et puis d'autres formes de communication vocale avant. Et donc, encore une fois, je pense qu'il est, trompeur de raisonner en termes de présence-absence. Oui. Il vaudrait mieux parler de complexité, de fréquence, plutôt que de présence et d'absence. Oh. For a soul, you lie there, and you pickle yourself with the liquor you drink. You learn to walk, but now you're when it shrinks. Stand tall, my love, I call as you sink. Oh. So turn your flesh to stone. You've encased these bones in a body that will not grow. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h37 sur France Culture, nous parlons du récit de nos origines en paléoanthropologie. Nous voyons à l'aune de la conversation que nous venions d'avoir qu'il y a encore des débats et des débats vifs qui se posent, notamment autour de Néandertal. Mais vous allez voir que ce ne sont pas les seules questions qui restent en suspens, loin s'en faut. Nous en parlons avec Sophie Debaune, qui est préhistorienne, enseignante à l'Université de Lyon et chercheuse au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité à Nanterre. Et Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire internationale de paléoanthropologie. Alors, les méthodes de datation et de travail sur site se sont, elles, considérablement développées ces dernières années, à tel point qu'il est même désormais possible d'isoler, grâce à la métagénomique, de l'ADN dans des sédiments en l'absence de tout ossement fossilisé. Et oui, bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Muséum d'Histoire Naturelle pour comprendre comment on fait aujourd'hui de la paléoanthropologie high-tech. Oui, c'est plus précisément dans les travées du Musée de l'Homme que j'ai rencontré Florent Détroit, qui est un de ces paléoanthropologues qui ont à leur disposition toute une palette de technologies leur permettant de faire parler les fossiles. On a vu quelques techniques qui peuvent être combinées pour obtenir des réponses aussi détaillées que possible de ces découvertes, le tout en pensant déjà au progrès à venir de la discipline. On va voir au labo, je sais pas, ce matin il n'y avait personne, mais si des fois il y a des collègues en train de travailler... de façon subtile. Oui, c'est ça. Alors là, on est parti labo. Alors dans ces labos, il y a plusieurs laboratoires de génétique. Là, on voit le génétique moléculaire 3, donc de génétique des populations actuelles, hein, dans cette partie-là. Et génétique moléculaire 1, 2, 3 correspondent aux différentes étapes d'extraction en fait, de l'ADN. Ici, c'est un laboratoire de caractérisation des archéomatériaux. Là, des laboratoires de datation, justement. Il y a plusieurs laboratoires. Il y en a deux qui correspondent pas encore une fois aux différentes étapes de préparation et de traitement des échantillons pour datation. Alors, on voit même salle de chimie en suppression. Alors. Voilà. Ici, chimie minérale, donc il s'agit de tout ce qui est étude des sédiments. Sédiments fouillés, caractéristiques des milieux de dépôt, et ainsi de suite, et de conservation des fossiles. Génétique moléculaire. Hein. Encore laboratoire d'ADN. Et on arrive dans le laboratoire d'imagerie 2D-3D. Alors c'est... là, pour le coup, avec une table un peu particulière, avec des crânes dans des boîtes. Mais c'est le matériel qui est en cours d'étude, d'analyse, qui est stocké c'est, ici. C'est assez beau quand même. Vous faites un drôle de métier. Et dans cette pièce qui commence à être déjà bien surchargée, on a différents types de scanners. Donc on en a un ici pour les objets de taille moyenne, un ici pour les très petits à très petits objets. Deux gros ordinateurs derrière, et puis un studio photo en fait, dont on se sert pour faire de la photogrammétrie, pour faire les modèles 3D à partir de photos. Et là, on est dans des conditions optimales, hein, puisqu'on a un très bon éclairage, des batteries d'appareils photo, on peut en mettre plusieurs en même temps pour diminuer le temps d'acquisition, un plateau tournant, vraiment des conditions optimales. Un studio de cinéma. Voilà, ouais. Un studio de cinéma de photo en tout cas. Quelles sont les différentes étapes de recherche une fois qu'on a eu la chance de découvrir un fossile, un objet ? Nous, préhistoriens, on est confrontés à un cruel dilemme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fouille, on détruit. On détruit irrémédiablement quelque chose qui s'est conservé pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, et nous, on va le fouiller et on va définitivement le détruire. Donc évidemment, il faut tout mettre en œuvre pour que, en cours de fouille, on détruise physiquement, certes, mais qu'on enregistre toutes les données possible, que ce soit l'âge, que ce soit la relation entre les différents objets, un maximum de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui on suit quand même des standards qui sont bien définis, qui sont appliqués depuis des dizaines et des dizaines d'années, basés sur un système de carroyage, de carrés d'un mètre sur un mètre fictif, imaginaire, sur le terrain à fouiller, et puis ce carroyage va permettre à chaque fois qu'on fouille, à chaque fois qu'on fait une découverte, d'enregistrer précisément la position de cet objet en coordonnées x, y, z, mais qu'on va toujours pouvoir replacer, même 20 ans après, on va pouvoir virtuellement reconstituer la position des objets. C'est souvent frustrant parce que technologiquement, on sait qu'évidemment, les méthodes, que ce soit les méthodes de fouille, d'enregistrement, de datation, elles progressent toujours, il y a toujours des progrès techniques, ce qui fait qu'on sait qu'au moment où on est en train de faire, dans 20 ans, les gens feront mieux. Mm-hmm. Alors ça, comme on le sait d'ailleurs, c'est à l'origine d'une règle, un peu tacite, hein, mais dans le monde de la préhistoire, quand on fouille par exemple une grotte, on ne fouille jamais la totalité d'un remplissage. Puisqu'on sait que dans 20 ans, dans 50 ans, les collègues qui seront à notre place auront des meilleurs outils qu'on a aujourd'hui. Donc on laisse toujours une partie du remplissage pour les générations futures. Alors ça, c'est un peu... C'est la politesse des préhistoriens. Alors, est-ce que vous avez eu cette chance de trouver des restes humains ? Alors j'ai eu cette chance de découvrir des restes humains dans le cadre de la collaboration qu'on fait aux Philippines avec les collègues philippins. C'est des choses qui sont en cours de publication d'ailleurs. D'accord. Donc entre ce moment de la découverte jusqu'au moment où le tout est publié dans une revue scientifique, toutes ces étapes-là, pas seulement la restauration, pas seulement l'étude, pas seulement l'écriture de l'article, tout ça combiné fait que des fois... les comparaisons, aller étudier d'autres collections, d'autres fossiles pour faire les comparaisons, ça prend beaucoup de temps. Alors pour l'étude des fossiles, on a vraiment toute une panoplie de techniques et d'outils, du plus simple pied à coulisses qu'on utilise depuis toujours, hein, mais voilà, quand on veut mesurer précisément, il n'y a pas mieux, et rapidement, il n'y a pas mieux qu'un pied à coulisses. Donc ça, évidemment, on continue à utiliser ces instruments, jusqu'à des méthodes et des instruments beaucoup plus élaborés, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus modernes, en particulier tout ce qui est scanner, alors scanner surfacique, on va dire, tout ce qui permet de capturer l'enveloppe, la forme, un modèle 3D de la forme externe d'un objet, ça que moi personnellement j'utilise beaucoup pour ensuite faire des comparaisons morphométriques et ainsi de suite, jusqu'aux scanners de type médicaux, en fait, à rayonnement X, du rayonnement de très haute énergie, qui permet de traverser des matériaux, donc nous, ce qui nous intéresse, des fossiles, qui sont souvent très minéralisés par le temps qu'ils ont passé dans les sédiments, et qui permettent de reconstruire ensuite l'intérieur de ces fossiles. Alors il y a toute une discussion sur est-ce que c'est vraiment non impactant de passer au rayonnement X de très haute énergie les fossiles. Alors on sait que pour certaines choses comme l'analyse de la préservation de l'ADN, la préservation des signaux qui permettent des datations par exemple, on sait que ça peut provoquer des perturbations et que c'est mieux d'éviter. Sauf que ben voilà, on est dans un compromis où on essaye d'extraire quand même le plus de données des fossiles, tout en restant vigilant, encore une fois, pour les générations futures, à ne pas endommager. Voilà, on est toujours pris quand même, quand on a un fossile entre les mains, le but du jeu c'est de le faire parler le plus possible pour faire avancer les choses. Voilà le reportage du jour dans les travées du Muséum National d'Histoire Naturelle. Votre réaction à l'un et à l'autre, Sophie Debonne, Jean-Jacques Hublin, à la démultiplication des moyens technologiques qui sont entre les mains des paléoanthropologues, qui devraient aider à préciser ce récit originel et qui, on a l'impression, finissent par le complexifier presque plus qu'ils précisent. Oui, mais le chercheur a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit « j'ai toujours mon pied à coulisse que j'utilise toujours ». Et en fait, toutes les analyses qu'on utilise aujourd'hui, toutes les méthodes à notre disposition s'ajoutent les unes aux autres. Elles ne se remplacent pas, elles ne se substituent pas les unes aux autres. Et donc, on a toujours des méthodes de base de l'archéologie qui se sont améliorées, d'ailleurs, parce que quand il parle du carouillage d'un mètre sur un mètre, c'était pas du tout le cas quand on fouillait au 19e siècle. C'était plutôt des fouilles en tranchées ou en puits, et on notait très peu de choses. D'ailleurs, d'où la difficulté aujourd'hui, d'ailleurs, de reprendre les études de ces sites fouillés anciennement. Et donc, on a aujourd'hui toute une batterie de méthodes qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est particulièrement net, par exemple, dans le cas de la datation. Pendant un siècle, on a daté uniquement les couches les unes par rapport aux autres, grâce au contenu, au contenu sédimentologique ou au contenu faunistique. Donc, c'était des méthodes relatives, datation relative, jusqu'à l'invention du carbone 14 en 1950. Bon. D'où, d'ailleurs, la date de référence, le présent pour les préhistoriens, le présent c'est 1950. Les dates sont référencées par rapport à 1950. Et donc, c'était une énorme, une énorme révolution pour les préhistoriens et les archéologues en général, la méthode de carbone 14. Mais aujourd'hui, il existe énormément d'autres méthodes de datation, simplement chacune a sa spécificité. Il y en a qui vont permettre de dater tel type de matériel, d'autres tel autre. On va pas dater les mêmes époques aussi. Par exemple, le potassium-argon, c'est une méthode également sur le principe de la radioactivité et qui est utilisée sur des sédiments volcaniques. Donc très utile justement pour dater les anciens sites africains le long de la Rift Valley. Donc chaque méthode de datation s'applique à telle ou telle période, à tel ou tel matériau. Et après, on a toutes ces méthodes géochimiques, méthodes d'ADN aussi, l'analyse de l'ADN, qui est relativement récent aujourd'hui. Enfin, ça fait bien 20 ou 30 ans quand même. Mais disons que maintenant, ça devient plus... beaucoup plus fréquent. Et puis les méthodes physico-chimiques des matériaux aussi. Donc par exemple, quand on étudie la répartition des objets, pour savoir s'ils se sont déplacés, s'il y a eu des mouvements, etc. Eh bien, avant, on se basait sur des cartes de répartition. Et maintenant, on se base encore sur ces cartes, mais on fait aussi de la détermination chimique ou physico-chimique des matériaux. Jean-Jacques Hublin, vous sur Jebel Irhoud, c'est un peu symptomatique de ce que vient de dire Sophie Debonne, parce que les premiers ossements ont été sortis dans les années 60. On les datait un peu. On les datait pas. On les datait pas au doigt mouillé. On imaginait que ça avait 40 000 ans. Vous avez ressorti et vous avez utilisé un certain nombre de méthodes, des méthodes très très contemporaines, notamment une. Vous avez une deuxième méthode dite par résonance électronique de spin qui vous permettent d'arriver aujourd'hui à une précision qui aurait été impossible d'obtenir il y a encore 10-15 ans. Enfin, Jebel Irhoud, c'est surtout les méthodes de luminescence qui ont donné des âges assez précis. Alors bon, moi je suis Je suis assez enthousiaste, en fait. J'allais dire, j'ai gardé mon enthousiasme de jeunesse. Je suis absolument émerveillé par le développement de ces techniques auxquelles j'ai assisté au cours de ma carrière. Dans le fond, quand j'ai commencé dans cette discipline, quand j'étais un jeune chercheur, l'ADN de l'homme de Néandertal, ou avoir des avatars virtuels de fossiles dans son ordinateur. D'abord, il n'y avait pas d'ordinateur pour commencer. C'était vraiment de la science-fiction. C'était un petit peu comme l'idée qu'on allait pouvoir voir les gens à qui on téléphonait. Hein. Et dans le fond, tout ça est devenu réel. Et grâce à ces techniques, nous avons accès à des informations que l'on croyait inaccessibles. Le génome, c'est un cas tout à fait particulier et spectaculaire, mais les études isotopiques permettent d'apprendre des choses sur le régime alimentaire des gens du passé, pas seulement en regardant les os des animaux qui les entourent. On apprend des choses sur les déplacements des individus au cours de leur vie dans une région. Et puis alors, tout ce qui tourne autour de la datation est absolument crucial. Parce que nous travaillons dans une discipline qui étudie l'histoire ancienne, hein, l'histoire, et donc le temps, c'est essentiel. Quand on veut, par exemple, discuter de la contemporanéité en Europe des hommes de Néandertal et des premiers hommes modernes, aucune stratigraphie ne peut répondre à cette question. C'est pas la superposition de couches dans une grotte qui peut nous dire si, quand il y avait des Néandertaliens en France, il y avait déjà des hommes modernes en Autriche. Mmh. Hein. Donc ça, c'est vraiment... C'est la génomique hein, qui a permis d'établir... Ah non, c'est la datation. C'est les progrès sur, en particulier, le carbone 14, avec... alors, évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'on voit aujourd'hui, avec tous les progrès qui ont été faits dans ce domaine-là, que quasiment toutes les dates carbone 14 qui ont été produites pour ces périodes anciennes, hein, je parle des périodes au-delà de 35 000 ans, toutes les dates qui ont été produites avant, disons, 2003, on peut les ficher à la poubelle, en gros. Hein. Donc, c'est pas la peine de regarder les milliers de dates produites autrefois. Il vaut mieux en avoir quelques centaines aujourd'hui fiables que d'en avoir beaucoup qui veulent pas dire grand-chose. Mais moi, je suis persuadé que ce progrès auquel nous assistons, il est loin de s'achever. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on extrait de l'ADN des sédiments. C'est ça. Et Florent Détroit a expliqué que détruire un site archéologique, fouiller un site archéologique, c'était le détruire. Mmh. Alors, il va y avoir un vrai dilemme hein, à propos des sédiments, parce que pendant des générations, les archéologues, même les plus méticuleux, même après avoir tamisé les sédiments, recueilli les objets les plus minuscules dans ces sédiments, eh bien, dans le fond, on jetait les sédiments qui venaient des sites archéologiques. Et une vraie question pour l'avenir, c'est est-ce qu'il faut continuer à le faire ou est-ce qu'il ne faut pas tout garder. Alors ça pose un énorme problème. Oui, en même temps, il parlait également de la politesse des préhistoriens qui laissent des zones inexplorées sur les sites à chaque fois les années suivantes. Mais à force de fouiller la moitié, à un moment donné, il reste un tout petit bout. Sophie Debonne, sur la pérennité précisément des sites de recherche aujourd'hui, grâce à ces nouvelles méthodes de datation et d'analyse métagénomique qui nous permettent effectivement d'avoir des informations qui étaient inaccessibles il y a encore 5 ou 10 ans. Là, il a bien expliqué que dans les sites qui ne sont pas en péril, on garde des buts témoins pour l'avenir. Hein, ça. Mais ce qu'il y a, c'est que la grande majorité des sites fouillés, en tout cas en France, sont des sites fouillés par des organismes d'archéologie préventive. Et après les fouilles, tout cela est détruit. Il y a des immeubles, des voies ferrées, des routes qui sont construites. Et donc, 99% de ce qu'on fouille est détruit. Là, ce qu'il a dit est vrai. Dans quelques rares cas, comme par exemple les fouilles en grotte ou sous abri sous roche, où là, effectivement, on peut garder une partie témoin, mais c'est très peu. Pour conclure cette émission, puisque nous arrivons dans la dernière partie, on a parlé de Djebel Irhoud, donc qui fait remonter les migrations de Sapiens vers le nord 100 000 ans plus tôt que ce que les dernières fouilles éthiopiennes indiquaient. Il y a aussi quelques. Je m'adresse à vous, par exemple, je l'évoquais au tout début, Sophie Debonne, ces pierres taillées d'Inde hein, qui sont datées près de Madras de 385 000 ans. Qu'est-ce qu'on peut leur faire dire aussi loin? Est-ce qu'on peut extrapoler aujourd'hui? Est-ce qu'on qu'on a des éléments pour extrapoler sur l'origine de ces pierres, sur l'origine de cette industrie lithique-là, ou est-ce que c'est très difficile, puisqu'on n'a pas trouvé, si mes informations sont bonnes, on n'a pas d'ossements humains avec. Donc du coup, il est très difficile de savoir s'il s'agit d'une très ancienne vague d'hommes modernes qui serait arrivée là, ou bien s'il s'agit des populations antérieures, puisqu'on sait qu'il y avait eu une première vague de peuplement il y a 1,8 million d'années, voire plus, qui est sortie d'Afrique déjà. Alors j'aimerais d'ailleurs préciser à ce sujet-là, parce que les vagues de peuplement, moi-même j'utilise l'expression, alors on imagine des hordes qui radent, voilà. Qui partent en groupe, qui traversent. Des colonnes de gens, mais pas du pas tout. Pas loin de la mer Morte, voilà. Mais en tout cas autre mais chose. Pas du tout. D'abord il y avait une démographie extrêmement faible, très très très faible, et en plus les gens se déplaçaient peut-être de quelques kilomètres à chaque génération, c'est-à-dire qu'ils allaient déplacer un tout petit peu leur territoire de chasse un petit peu plus loin, mais ils n'avaient pas du tout cet esprit de conquête d'aller peupler un autre continent. D'ailleurs, ils ne savaient pas qu'il existait d'autres continents. Alors, Jean-Jacques Hublin. Oui, moi je voudrais évoquer un problème qui est un petit peu différent du problème de la préhistoire, qui est un problème général en science. C'est que on attend de plus en plus des scientifiques. Quand je dis on attend de plus en plus des scientifiques, je veux dire dans le cours de leur carrière, de ce qu'ils produisent, on attend des publications dans des revues dites de haut niveau. Voilà. Et donc c'est vrai que la tentation est forte de survendre une découverte si on en a l'occasion. Et donc, les journaux comme Nature ou Science reçoivent toutes les semaines des articles avec des conclusions absolument extraordinaires qui partent au cimetière, la plupart. Mais il y en a qui passent à travers le filtre. Un certain pourcentage parce que ce sont vraiment des découvertes extraordinaires, et puis un certain nombre, un petit nombre, parce que ce sont des articles qui ont eu la chance de passer à travers la sélection des comités de lecture et qui voient le jour dans ces revues-là. Et donc, parfois, on voit apparaître comme ça dans la presse des déclarations fracassantes à propos de tel ou tel aspect. Je pense que ça tient plus à la stratégie de carrière, mais c'est pas seulement une question de carrière, c'est que il faut que les résultats de la recherche passent vers le public, les décideurs prennent en compte tout un tas de paramètres pour allouer des crédits ou pas. Et donc cette interaction entre la recherche, les médias, le public et les décideurs, c'est une interaction qui est parfois un peu délétère du point de vue de la science. Et donc, moi, je serais curieux un jour d'écrire un petit bouquin qui serait le cimetière des articles de Nature et de Science dont plus personne n'a envie de parler aujourd'hui. Écoutez, je vous enjoins de réécouter l'émission que nous avions consacrée à la reproductibilité des expériences, où il a été largement évoqué cette question de la publication, du publish or perish, de comment en sortir et de comment contourner ces revues à comité de lecture. Ce sera l'occasion d'une autre émission. On vous invitera, Jean-Jacques Hublin, et comme ça on pourra réfléchir à l'avenir de la publication scientifique. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Sophie de Beaune, merci Jean-Jacques Hublin, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezenne, Sarah Hijman, Sonia Leglen à la réalisation et Jean Guilhemège à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant une nouvelle série documentaire Écrire l'amour par Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin jusqu'à jeudi, et puis tout à l'heure dans le Grain à Moudre à 18h20 après le journal, à qui confier notre portefeuille de données personnelles, c'est la question qu'Hervé Gardet posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne, demain nous nous demanderons pourquoi l'univers enfle-t-il depuis le Big Bang. Les mécaniques d'inflation de l'univers n'ont cessé d'être elles aussi remises en cause et recalculées, et pourtant il enfle. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.